Il est mort. Il est mort, le soleil. Il est mort, l'été. D'amour, elle s'est séparée. Il est mort, il est mort, le soleil, et je suis la seule à porter le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seuil. Yeah. C'était bien. Il est mort. Il est mort, le soleil. Sur ma vie, dans mon cœur, la pluie. Et mon âme s'habille de gris. Il il est mort l'été, l'amour et le soleil séparés.